Oh, si un jour tu reviens, viens, viens, toi Jésus, le moribond, hein, c'est sûrement dans notre maison qu'on te soignera bien, bien, bien. Quand tu reviendras, mes deux garçons seront là, là, là, là, là. Ils te poseront 30 000 questions auxquelles tu répondras. Tu es venu de loin? Très loin. Tu es venu longtemps? Longtemps. Pourquoi es-tu pâle? Je sais pas. Est-ce que tu as faim? Oui. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Tu sais dessiner? Je crois. Tu fais un dessin? Tiens, voilà. C'est joli chez toi? Très joli. T'es venu comment? À pied. T'as une maman? Oui. Quel est son nom? Marie. Qu'est-ce que t'as aux mains? Rien, mais quand tu viendras, ce sera bien, bien, bien. Quand tu viendras, ce sera bien, ouais. Quand tu viendras, ce sera bien, bien, bien. Tu seras chez moi, tout comme chez toi. Quand tu viendras de si loin, loin, loin, tu épateras les voisins, ouais. Mais tu n'épateras pas les garçons qui te poseront leurs 30 000 questions. T'es venu de loin? Très loin. Tu as mis longtemps? J'ai mis bien longtemps. Pourquoi es-tu pâle? Je ne sais pas. Le voyage, sans doute. Est-ce que tu as faim? Oui. Tu as des enfants? Des enfants? Bien sûr. Tu sais dessiner? Je crois. Tu fais un dessin? Tiens, voilà. Est-ce que c'est joli chez toi? C'est très joli. T'es venu comment? Comme ça, à pied. T'as une maman? Oui. Quel est son nom? Marie. Mais qu'est-ce que t'as au moins? Rien. Quand tu viendras, ce sera bien, bien, bien. Quand tu viendras, ce sera bien, ouais. Mais tu n'empêcheras pas mes garçons de te reposer leurs 30 000 questions. T'es venu de loin? Très loin. Tu as mis longtemps? Oh, j'ai mis trop longtemps. Pourquoi es-tu pâle? Je ne sais pas, la fatigue du voyage saute. Est-ce que tu as faim? Toujours. Toujours. Tu as des enfants? Des enfants? Plein. Tu sais dessiner? Ça m'est arrivé. Tu fais un dessin? Je te fais un dessin, tiens. C'est vraiment joli chez toi? C'est très grand, c'est très beau. T'es venu comment? Comme ça, à pied. Tu as une maman? Oui. Quel est son nom? Qu'est-ce que t'as au moins?